Pour celles et ceux qui arrivent en replay, bonjour. Eh bien, nous sommes en face d'une nouvelle étude, nous allons en parler. Réservoir Apps, bonjour, ce 1er octobre 2018, pour un nouveau live, bien matinal. Bonjour à celles et ceux qui arrivent, on est avec une étude récente. Je suis parti voir l'étude directement, Kaspersky. Bonjour vous tous, je vous vois arriver. Blacky, Dams, bonjour. 1-5-5, oui. C'est catastrophique. On est foutu. On ne va même plus parler. Griscat, merci pour les personnes. Vous pouvez donc inviter vos abos, vous abonner, me partager sur Twitter et Facebook, Réservoir Apps, chaque jour pour un nouveau live, des nouveaux lives. Donc je vais lancer les invitations. Voici. Alors, 75%. Vous y croyez, vous, 75%? 75% donc des personnes utilisent leur téléphone pour ne pas parler à leurs proches. Bah, toutes ces personnes qui sont autour d'elles. Aston, bonjour. N'hésitez pas à inviter vos abos, vous abonner, me partager sur Twitter et Facebook, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez me dire d'où vous venez, quelle est votre ville, votre coin. Merci de me rejoindre sur un live bien matinal. Dylan, bonjour. Alors, c'est très triste, c'est catastrophique. Faire semblant d'être occupé. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Alors, je vais voir Kaspersky, qui nous parle donc de chiffres, de pourcentage. Eh bien, Kaspersky, c'est donc des solutions pour se protéger. Une étude qui nous vient de Kaspersky. Bonjour. C'est-à-dire que pour 22% donc des utilisateurs, être connecté dans la vie est essentiel. Voici un premier chiffre. Vous avez une personne sur cinq qui se sent nue sans son... On parle de device, sans son téléphone. Bonjour. Vous avez 23% de ces personnes qui disent préférer être nu en public que de ne pas avoir... De téléphone avec eux, quoi. Bah, tu as donc 23% de personnes qui préfèrent être nues en public que de ne pas avoir de téléphone. Enfin, ils se sentent démunis sur leur téléphone. Être nu en public, c'est plus facile. Enfin, ils se sentent nus sur leur téléphone, quoi. Dites-moi, vous pouvez me dire, en fait, si vous... vous sentez vraiment démunis sans votre téléphone. Qu'est-ce qui vous arrive si vous l'avez... Est-ce que vous l'oubliez déjà? Est-ce que cela vous arrive d'oublier votre téléphone? Comment on peut oublier son téléphone d'ailleurs? Vous qui passez, vous pouvez inviter vos abos, vous abonner à Réservoir Apps, ça risque, ça peut et ça va. Une bonne connexion est importante. Alors je vais continuer avec les chiffres. On est sur quelque chose d'absolument catastrophique. On est devenu dépendant. Ça on le savait? On le savait. On était au courant? Alors, 22% être connecté, c'est essentiel. C'est inconcevable que tu partes de chez toi sans téléphone. Oui. Comment ça pour être Momozers, toi, tu t'es fait d'accord. Alors, je vais continuer avec les chiffres, mais déjà, on ne veut plus communiquer avec les autres. Comme on communiquait avant. C'est-à-dire, peut-être qu'il va falloir passer par votre secrétaire particulier. C'est-à-dire, on nous parle de ces 10 prochaines années, de cet assistant virtuel qui va prendre de la place, beaucoup plus de place. Alors peut-être qu'il va falloir passer, prendre donc contact avec votre assistant virtuel. Pourquoi on garde toujours le téléphone sur nous? Ben parce qu'il est essentiel. C'est la... Notre téléphone, c'est notre une extension de nous-mêmes. Voilà pourquoi on le garde. Alors, il y a des chiffres, attends, on va continuer, parce que là, c'est assez important. Alors, les gens donc, ont leur téléphone avec eux dans toutes sortes de situations et dans différents endroits. Je vous lis l'étude en anglais, directement. Alors, quand ils dorment, quand ils mangent, quand ils vont aux toilettes. Et vous avez une personne sur 10 qui a donc son device, son téléphone. On parle beaucoup plus d'un téléphone. Donc, une personne sur 10 qui ont donc leur téléphone sur eux tout le temps. Alors, mais il y a toujours une bonne raison pour être connecté. Et on parle souvent d'être en contact en permanence, presque en permanence, avec ses proches. Et on parle en anglais, on dit loved ones, de ces personnes avec qui on est amoureux. Ou plutôt de sa famille, ses très proches. Notre téléphone, il sert souvent à ça, en fait. On aime bien être. Enfin, on aime bien. On n'a pas envie d'être déconnecté de ses proches. Pour toi, c'est d'écouter la musique. C'est vrai qu'avec son téléphone, on fait beaucoup de choses. On aime aussi écouter de la musique. Chez Apple, je sais pas si vous aimez bien Apple, ça peut arriver. Vous en faites pas, ça peut arriver. Ça fait du bien. On a déjà commencé avec un iPod et on continue avec un iPhone pour écouter la musique, quoi. Oui, le secteur des jeux vidéo est en crise. Les devs préfèrent faire des jeux mobiles. Oui, et en tout cas, son téléphone, votre téléphone, vous sert souvent à jouer aussi. Parce qu'on a dans nos mains beaucoup plus qu'un téléphone, ou tout du moins un téléphone intelligent, qui a déjà remplacé nos ordinateurs, avec lequel on peut tout faire, un peu comme la barre de fer. Je vous disais, c'est absolument important, cette étude en parle, on préfère, ou plutôt on n'a pas envie d'être séparé de ses proches, son amoureux, son amoureuse. Et sa famille, donc votre famille, a envie de savoir où vous êtes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a une époque où vous deviez rentrer chez vous pour passer ou recevoir des appels. Je vous le redis, il y a une époque où vous deviez rentrer chez vous, ou rentrer dans un endroit où il y avait un téléphone pour passer et recevoir des appels. On a l'impression que c'était une époque très lointaine. Incroyable. Bon, vous qui passez sur mon live ce matin, vous pouvez inviter vos abos, vous abonner, me partager sur Twitter et Facebook, n'hésitez pas. C'est important et c'est possible. Je vous parle d'une étude récente. Je suis sur la page Kaspersky, cette entreprise qui nous propose des produits pour nous protéger numériquement. Et là, pour la protection, 75% donc, de ceux qui ont répondu à l'étude ont avoué, sont exprimés pour dire qu'ils se servent de leur téléphone pour se protéger, pour ne pas avoir besoin de parler aux autres. Il y a une époque pas si lointaine où on devait communiquer physiquement avec ses proches. Voilà, c'est ça. Ça, c'est de plus en plus vrai. Ouais. On aimait tous le dire. Ouais. On était obligés. Ouais. Alors, voilà, les gens. Alors, je continue de lire l'étude en anglais directement. Sont donc très concernés s'ils n'ont pas de connexion qui fonctionne. Et bah, leurs très proches se sentent vraiment concernés et peuvent être assez inquiétés pour 51% d'entre eux. Et évidemment, ils sont inquiets s'ils ne peuvent pas donc les aider si quelque chose leur arrive. Si quelque chose leur arrive pour 45% d'entre eux. C'est ça, quoi. On est dans un cocon. On est surprotégé. On a toujours eu envie, et de plus en plus, d'avoir une sécurité pour nous, pour nos proches. Qu'est-ce qui pourra arriver si jamais on n'arrive pas à se connecter à tout instant? Vous avez fait penser à Facebook, qui propose une sorte d'alerte. Une alerte, je ne sais plus comment on l'appelle, l'alerte. En rapport avec tout ce qui peut se passer comme événement, et surtout comme événement dramatique, pour savoir si. Vous avez été assez proche de l'événement, si vous faites partie des victimes, pour un peu lever le doigt. J'étais là, mais il ne m'est rien arrivé, c'est bon, vous en faites pas. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que, dites-moi, je m'adresse à vous, amis publics, donc Periscope, Twitter Live, Réservoir Apps, ça risque, ça peut et ça va intéresser vos abos. Vous pouvez inviter vos abos, vous abonner, me partager sur Twitter et Facebook. Oui, les GPS intégrés, ouais. Les montres connectées, on peut réagir en cas de malaise ou enlèvement. Bah de plus en plus, On a la sortie de la keynote qui a proposé la dernière version de l'Apple Watch chez Apple, qui de plus en plus, bah, qui sait déjà, connaît beaucoup l'état de notre santé, nos battements de cœur. D'ailleurs, mes cœurs tradis pouvaient m'envoyer différents types de cœurs tradis pour que la base puisse se stabiliser. Moi, j'aime bien les cœurs. Et de plus en plus, oui, Apple en sait beaucoup sur nous, sur notre cœur qui peut vaciller, nos battements de cœur qui peuvent être différents d'un jour sur l'autre peut-être. On va pouvoir nous aider pour ne pas comme ça tomber d'un seul coup et se faire du mal, pour prévenir, savoir où on est. Un monde de plus en plus sûr, pour vivre de plus en plus longtemps, sans parler à ses proches, prendre rendez-vous avec son assistant. Un monde peut-être de plus en plus triste, mais un monde où on vit de plus en plus longtemps. Donc avant, on pouvait vivre une vie bien remplie, affronter des problèmes du quotidien, partir à l'aventure. Maintenant, l'aventure, elle est pas dans nos vies, mais elle est représentée, hein, au cinéma, à la télé, plutôt dans nos téléphones. On en fait partie parce qu'on la consulte, hein. On vit nos vies par procuration, mais pour la sécurité. Toi, tu penses que c'est un monde rêvé pour la cybercriminalité? Mais le monde est de plus en plus sûr. Là, on est sur une étude qui nous vient de Kaspersky et qui est là pour nous sécuriser tout ça. Cybercriminalité, pas sûr. Pas sûr, sûr, pas sûr. Alors, je relance. Les invitations ont-elles été envoyées? Je vais continuer avec les chiffres, mais déjà, c'est une bonne semaine qui commence. Avec une étude qui nous met à terre, qui nous met par terre. Est-ce que vous faites ça aussi, vous? Dites-moi, est-ce que ça vous arrive? Est-ce que vous le faites tout le temps sans même le savoir? Est-ce que vous vous réfugiez derrière, enfin devant, enfin, est-ce que vous vous réfugiez avec votre téléphone? De toute façon, vous êtes réfugié, vous êtes planqué, caché. Je me suis souvent exprimé par rapport à ça, par rapport à ce téléphone, par rapport à cette nouvelle technologie. Merci Yorena, premier super cœur. Tu fais partie de mes super donateurs. Ça fait plaisir, merci pour les supers. Sachez que les super cœurs s'affichent bien, hein, sur un fond noir. Ça va, Pulsar? Bien matinal, vous êtes. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? 75% des utilisateurs qui ont répondu à l'étude, c'est Kaspersky. Oui, eh bien se réfugier. On va dire derrière leur téléphone, pour ne pas avoir à répondre à toutes ces personnes qu'elles peuvent rencontrer. Alors c'est encore plus dramatique si ça concerne des proches, hein, ces personnes que vous ne voulez plus voir dès le matin, toutes ces trognes qui ne vous plaisent plus. Alors je continue, qu'est-ce que j'ai comme chiffre? Oui, nos proches ont envie de savoir où nous sommes en permanence. Il y a donc des chiffres, peut-être des excuses, ça va Siri? Qui nous propose ces détails, quoi, cette réflexion. Tu es accro, Pulsar, vous-même, vous êtes tous avec votre téléphone. Où donc votre téléphone a-t-il passé la nuit? Votre téléphone, il était où quand vous dormiez? Était-il près de vous? J'aimerais bien savoir, je pense on n'a pas ça dans les chiffres. Une étude aussi qui propose où dort le téléphone? Dans la main? Votre téléphone, c'est votre doudou. Et votre téléphone, vous lui avez mis quoi? Des grandes oreilles Mickey? Avec une coque résistante? C'est votre doudou, il est tout doux, il est dans quoi? Il est dans une enveloppe toute douce? Il est collé à l'oreille? Si jamais ça sonne pendant que vous dormez, pour répondre, c'est vous qui tenez les urgences ou quoi? Alors, qu'est-ce que j'ai? Il faut que je continue avec mes chiffres là. Ça m'amuse, mais c'est très triste. Tu lui mets la couverture? Bah ouais. Ah oui, les gens. Alors, c'est people are often willing to take risk. Alors, les gens prennent des risques. Et ils négligent leur propre sécurité parce qu'ils veulent rester en ligne. Alors, Kelvin Harkers. Get out. Alors, vous en avez 26% qui sont qui fixent du regard leurs écrans quand ils traversent la rue. 26%. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de fixer votre téléphone? Vous le faites. D'ailleurs, fixez-vous, êtes-vous, quand vous êtes dans la rue, êtes-vous en train de fixer votre téléphone sans pour autant regarder ce qui se passe autour de vous? Vous en avez pas mal hein, dans les grandes villes qui traversent, même qui sont dans les clous, qui traversent, qui écoutent un petit peu ce qui se passe autour d'eux, mais qui ont les yeux fixés sur l'écran pour répondre à un message, pour. Souvent comme ça, on fait beaucoup de choses maintenant. On ne prend même plus. Enfin, d'ailleurs, ma question c'est quand tu regardes un message, oui. C'est-à-dire, on est plus à même, on a un usage différent, on ne répond pas forcément aux appels, on ne passe pas d'appels téléphoniques, on n'utilise plus son téléphone comme on l'utilisait auparavant, c'est-à-dire, on envoie des messages, on reçoit des messages. Pas simplement des SMS, mais tout ce qui concerne votre utilisation de Messenger, peut-être, de Facebook, WhatsApp, Snapchat. Vous écrivez des messages ou vous envoyez également des messages audio et vidéo. Donc c'est une utilisation complètement différente. Vous pouvez avoir une communication avec différentes personnes, une, cinq, dix personnes. Enfin, vous récupérez vos messages. Et vous envoyez les vôtres. Et c'est quelque chose d'assez incroyable dans cette société, c'est que on n'a plus besoin de se prendre la tête avec quelqu'un au bout du fil. On n'a pas besoin de recevoir ses appels. Puis si jamais il est pas très sympathique le matin, ce lundi matin, début de semaine, eh bien, vous allez peut-être lui répondre plus tard. Donc on reçoit et on passe des appels et on peut passer donc son début de matinée ou sa journée avec la tête dans l'écran, la tête dans le guidon. Qu'est-ce qu'on a aussi? 21% pardon, qui fixent leur écran quand ils marchent dans des zones inconnues et dangereuses. Hello. 21% donc de ceux qui ont répondu à l'étude qui sont toujours en train de fixer leur écran dans des zones qu'ils ne connaissent pas et souvent donc des zones dangereuses. Alors, vous avez 90% des utilisateurs. Vaito, bonjour, ça va bien? Oui, ça va, bonjour. Bonjour à celles et ceux qui nous récupèrent ce matin pour une étude à Kaspersky, une étude assez alarmante. C'est dramatique, c'est triste, c'est alarmant, c'est tout ce que vous voulez. C'est quelque chose de dingue. Vous êtes dans une époque de dingue, et comme tout le monde est dingue, plus personne ne l'est, puisque quelqu'un de fou, c'est quelqu'un qui est très différent. On est tous devenus complètement fous. On ne s'en rend même plus compte. Les autres ne peuvent pas nous le dire, puisque à partir du moment où on est fou, on ne le sait pas. Mais comme tout le monde l'est, plus personne ne l'est. Vous comprenez ce que je veux vous dire. Donc vous pouvez, vous, inviter vos abos, vous abonner, me partager sur Twitter et Facebook. Bonjour. Alors, 90% des utilisateurs admettent qu'ils vont être vraiment très, très stressés si leur téléphone est perdu ou volé. Et là, on est sur une comparaison. Par comparaison, 88% ressentiraient donc un niveau de stress en loupant un train ou un avion ou en étant impliqué dans un accident de voiture mineure et 80% seraient donc stressés en étant malades. Donc vous avez ces utilisateurs qui sont beaucoup plus stressés en perdant leur téléphone. Rien qu'en perdant leur téléphone, ils vont avoir beaucoup plus de stress que s'ils ratent un avion ou un train, s'ils sont impliqués dans un accident de voiture ou s'ils sont donc malades. La perte du téléphone rend dingue. C'est pire que l'accident. C'est pire que de rater un train quand même, un avion. Je pense que vous avez peut-être déjà connu ça, mais rater un train ou un avion, c'est très stressant, ça c'est sûr. Mais la perte du téléphone est beaucoup plus grande. Alors attention à ne pas perdre votre précieux. Beaucoup, beaucoup plus important. En comparaison, vous tombez malade. Vous êtes impliqué dans un accident de voiture mineur. Eh ben, c'est pas grave. Pulsar, tout va bien? Nous sommes tous enfermés dehors. Je ne sais pas si nous pouvons sortir, Pulsar. Ça va, Sandrine? Bonjour, vous tous. Merci de nous retrouver sur un live du matin. Pour celles et ceux qui passent, c'est catastrophique. C'est un début de semaine. Nous ne sommes pas tristes. C'est important. C'est un sujet, donc. Une étude. Bonjour, Sandrine, ça va bien? Merci de passer sur mon live du matin. Réservoir Apps, donc Periscope Twitter. Merci de passer. Je suis le premier super diffuseur français. Et eh bien, on est sur différents lives chaque jour sur Periscope, Twitter, donc Facebook et YouTube. Si c'est un iPhone, tu chopes la crève. Le lundi, c'est compliqué pour tout le monde. Là, en fait, ça ne dépend pas d'un lundi. Hein. C'est tous les jours de la semaine que votre téléphone s'embarque avec vous pour nouvelles aventures. Alors là, c'était vraiment intéressant. Je lis par paragraphe une étude avec des pourcentages de cette étude. Premier super diffuseur français. Tu peux te moquer. La réalité est implacable. Nous sommes des folles dingos. Alors, que se passe-t-il? La suite des pourcentages. 18% des gens do nothing to keep their devices working. Ne font rien pour garder donc leur appareil en fonctionnement et connecté. Et vous avez simplement 34% de ces personnes. Alors oui, très peu de. Enfin, il y a 18% qui ne font rien, qui laissent leur appareil fonctionner. 34% qui contrôlent le niveau de batterie et 22% des utilisateurs qui régulièrement surveillent la santé de leur téléphone. Bon, ça c'est encore d'autres chiffres. Donc je relance pour les invitations. Alors. Donc ensuite, pas de surprise, 9 personnes sur 10 ont déjà eu des problèmes avec leur appareil. La batterie qui a eu des soucis. Le téléphone qui s'est arrêté. En raison d'un problème technique, 40%. La batterie, c'était 76%. Ah oui, pour 76% d'entre eux, ils ont eu un souci de batterie pour la recharger. Et sinon, vous avez 37% qui ont eu donc des problèmes parce qu'ils ont laissé leur téléphone quelque part. Et en résultat, les gens ont pris des risques, ont été face à des risques dans leur vie professionnelle et personnelle. L'obsolescence programmée, elle est plus ou moins là. Je pense à tout ce qui concerne chez Apple, ces appareils, ces 2 milliards d'appareils en fonction. On est face à une obsolescence plus ou moins grande. Elle n'est pas forcément là tout le temps. Je pense à ces 2 milliards d'appareils en fonction. L'obsolescence, c'est un peu comme toutes ces personnes qui veulent acheter un nouveau téléphone. Vous en avez qui veulent acheter un téléphone tout de suite, quand il sort. À la suite, par exemple, de la présentation de la keynote de chez Apple, et vous en avez qui attendent. Et on peut donc garder un appareil assez longtemps. On a beaucoup plus cette capacité de garder une tablette qu'un téléphone que nous changeons tous les 2 ans. Mais l'obsolescence, c'est en même temps, c'est vrai, c'est pas vrai. Parce que nous avons donc chez Apple 2 milliards d'appareils en circulation. Et qu'on peut garder un vieux système d'exploitation, des applications qui sont vieilles mais qui fonctionnent encore. Sauf que chez Apple, au bout de quelques temps, par exemple l'iPad 2, sur l'iPad 2, vous avez des applications qui commencent à ne plus fonctionner avec des développeurs qui ne mettent plus à jour ces applications qui fonctionnent sur un ancien système d'exploitation assez vieux maintenant. Donc ça bouge un peu. Vous qui passez sur mon live du matin. C'est catastrophique, votre téléphone a pris le dessus sur votre vie. Dites-moi, j'ai besoin de vos témoignages. Où donc a dormi votre téléphone cette nuit? Il est toujours dans votre main ou à portée de main? Qu'avez-vous fait? Où l'avez-vous mis? Où a-t-il dormi? Proche de vous? sur votre table de chevet? Il fonctionne en mode réveil ou pas? Que se passe-t-il? Mode avion pour toi? Le mode avion, oui, mais ton téléphone, il est où, Siri? Est-il dans la même pièce? Là où tu t'endors, où tu dors? Dans la cuisine, en charge, en mode muet. Sandrine, pour mieux le retrouver le matin, pour consulter des news, quand tu prends ton petit déjeuner, même pièce à 50 cm. Ouais. Souvent, il sert donc de réveil. Il peut vous servir comme réveil. Il vous réveille. Peut-être qu'il vous endort. Et puis la nuit, il peut se passer pas mal de choses. Peut-être qu'on peut rater une notification. Je ne sais pas si on fait assez le tri dans les notifs. Tout à fait ça, Sandrine, pour récupérer. Ben, on aime bien avoir des news le matin. On a donc une routine. On aime bien consulter tout ce qui a pu nous échapper, évidemment, pendant qu'on n'était pas là. Donc, on récupère un petit peu de ce qui se passe. C'est la dernière chose que tu vois, la première chose que tu vois. Ouais. Qu'il l'utilise comme réveil, c'est ça. Oui. Vous qui nous retrouvez en live comme en replay, on est sur une étude de Kaspersky. 75% des utilisateurs qui se cachent, se réfugient, qui se servent de leur téléphone pour ne pas parler... à ces personnes autour d'elle. Ça peut être, donc, peut-être dès le matin, des personnes de leur famille, ensuite des personnes dans les transports en commun, des personnes... Il y a aussi ça, lors d'une file d'attente. Quand vous êtes dans une file d'attente, ou vous ne voulez pas parler aux autres personnes, c'est toutes ces occasions qui vous auraient peut-être permis de faire connaissance, ces opportunités... qui vous tendent les bras, mais non. Parce que vous avez votre téléphone, parce que la vie est difficile, parce qu'à partir du moment où vous ne connaissez pas ces personnes, vous ne pouvez pas leur dire bonjour, vous ne voulez plus les regarder. Un petit peu ce qui se passe avec pas mal d'entre nous, dans les grandes villes, qui ne jettent même plus un coup d'œil à ces personnes qui sont à terre. C'est un peu ça. Hein. Dans une file d'attente, oui, nos grands-parents auraient fait des rencontres. C'est terrible. Donc on va de plus en plus, on va continuer d'utiliser nos téléphones. Et ce qui est terrible, c'est que on pouvait avoir peut-être aussi... on pouvait avoir peut-être aussi. C'est ça, ouais. Ah, je l'avais, je vais la récupérer, je vais la retrouver. Bonjour vous tous, Réservoir Apps pour un nouveau live ce matin. Ça vous concerne, votre téléphone est-il impacté? C'est votre tête également qui est partie dans le cloud. C'est-à-dire, vous ne savez même plus ce que vous faites. Vous avez votre téléphone et ça me fait penser également à ces personnes qui peuvent fumer. Moi qui n'ai jamais fumé, moi qui ai souvent pensé à tout ce que j'ai pu ingurgiter, plutôt respirer, plutôt ouais, les deux, comme fumer, c'est fumeurs qui ont donc dans les mains quelque chose pour leur faire passer le temps, quelque chose qui leur permet donc également de se réfugier depuis un certain temps. Sommes-nous tous devenus accros comme ces fumeurs avec leurs cigarettes? De plus en plus, ça va nous sembler très bizarre de parler avec... si on n'est pas forcément habitués et on n'est pas tous logés à la même enseigne. Vous avez des êtres humains qui ont envie de parler aux autres et qui ont moins de barrières que les autres. Et donc, dans une civilisation où on est de plus en plus avec son téléphone, peut-être qu'on aura moins de personnes qui vont souhaiter se rapprocher des autres. C'est-à-dire, tu as quelque chose dans la main, ça te permet d'avoir une contenance. Ça te permet de faire genre, je m'occupe, je suis quelqu'un qui ne perd pas ses moyens, je ne peux pas vous parler parce que je suis très occupé, j'ai un emploi du temps de ministre, je suis quelqu'un de très important et vous savez, j'ai tellement de choses à gérer, j'ai ma petite entreprise qui ne connaît pas la crise et j'ai mon téléphone qui gère tout ça. Merci Siri. C'est-à-dire qu'avec mon téléphone, je fais tout. Je suis en contact avec le monde entier. J'ai des Américains, vous pensez bien. Je suis international. J'ai des Anglais, des Allemands, j'ai des Japonais. Et ça se bouscule dès le matin. Et vous vous rendez compte, avec tous ces décalages horaires, et j'ai passé donc 2-3 heures à dormir cette nuit, mais pas plus. Et le matin, quand vous pensez pouvoir m'aborder, quand je suis à l'extérieur... des fois, je m'arrête un petit peu, mais je marche vite. Hein. Mais vous n'aurez jamais le temps de m'arrêter, puisque vous ne pourrez pas le faire, puisque je dois gérer pas mal de contacts. Et mon début de matinée, à gérer mes contacts. Non, c'est ça, ouais. un téléphone dans sa main et on passe pour la personne la plus intelligente et la plus bête du monde. Parce que autour de vous, tout peut s'écrouler. Toutes ces personnes qui auraient peut-être besoin qu'on leur tende la main, eh ben non, puisque vous ne pouvez même pas les regarder dans les yeux, ces personnes. C'est ça aussi, dans les grandes villes. On passe devant pas mal de choses. Ouais. Oui, en tout cas, en audio, on peut passer en vidéo quand on le souhaite. Et c'est un live audio. Audio seulement. Vous voyez? Intéressant. C'est ce que vous allez faire tout à l'heure quand vous allez quitter. Vous quittez à quelle heure vous-même? Vous allez sortir? Est-ce que vous prenez vos oreillettes? C'est un podcast. Est-ce que votre podcast, vous allez l'emmener avec vous? Dans votre téléphone, avec vos oreillettes? D'ailleurs, dites-moi, quand vous sortez avec votre téléphone, avez-vous vos oreillettes? Avec vos oreillettes en mode filaire, vos oreillettes, les. Comment on les appelle? Les nouvelles oreillettes de chez Apple, sans fil, puisque vous écoutez souvent de la musique. Pas les AirPods, hein, sont plus chers. Bonjour, ça va bien? Merci de nous retrouver pour un nouveau live ce matin, ce 1er octobre 2018. Tout le temps en filaire, t'as un Samsung. C'est ça aussi. On les voit, vos oreillettes. Bonjour, bonjour. On peut savoir à distance si vous êtes occupé quand tu fais de la marche. À partir du moment, qu'est-ce qu'en pensent ces personnes qui vous croisent? Eh bien, vous mettez une distance directement, même si vous n'écoutez rien. Vous avez vos oreillettes de placées. On peut penser que vous écoutez en permanence du son, que vous êtes injoignable. C'est ça aussi. On pouvait au tout début donc avoir son téléphone contre son oreille pour sans arrêt passer ou même écouter sa messagerie. Mais avec des oreillettes, on peut penser qu'on est en permanence connecté avec du son, en écoutant quelqu'un et puis en ayant l'air un petit peu, les yeux un petit peu dans le vague, quelque part perché, quoi. Donc ça vous donne un. Ça vous rend bête, ça vous rend-il intelligent? Vous êtes complètement déconnecté en fait, déconnecté du monde. On est tous déconnectés, reconnectés. Vous en pensez quoi? Dites-moi ce que vous en pensez. Où est-ce qu'on va? Est-ce que ça va nous rendre plus intelligent tout ça? Est-ce que ça nous rend déjà plus intelligent? On est sur un monde d'autistes. On est des autistes, on ne se parle plus, on se réfugie donc, est-ce qu'on peut dire derrière son téléphone? Comme si on était derrière un écran gigantesque. Notre téléphone est tout petit. On s'est réfugié dans quoi? C'est une fuite en avant. Eh bien, dans les 10 prochaines années, on va avoir des assistants de plus en plus efficaces qui vont pouvoir, puisque nous avons déjà des emplois du temps apparemment de ministres, prendre et recevoir des appels à notre place. Donc, dans un monde ultra communicant, on se rajoute des barrières. Il va falloir rapidement savoir comment franchir ces barrières pour se connecter avec ces personnes que nous souhaitons joindre. Ça permet de se cultiver à tout instant, mais généralement le public ne fait pas beaucoup d'efforts, j'ai l'impression. Et je ne sais pas si comment dire, cultivez du matin jusqu'au soir, mais ce qui se passe, c'est qu'on s'amuse. On aime bien s'amuser. Sans faire beaucoup d'efforts, en restant dans certains cercles, en ayant souvent les mêmes news, en relayant les mêmes infos, on s'amuse avec tout ça, on joue à des jeux, on écoute de la musique, on ne communique plus entre nous. Tu lis des livres, pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Après, rien de mieux qu'un vrai livre qui permet de nous détacher de tous ces outils, parce que rester souvent devant un écran, c'est plus fatigant. Ça crée une barrière. C'est vrai, Pulsar, tu pourras m'envoyer l'article si tu l'as. Une IA de niveau humain pourrait voir le jour en 2025. De niveau humain. Une IA qui ne serait pas forcément consciente. J'ai déjà vu ça quelque part. En tout cas, entre lire un vrai livre et lire un livre à partir de son téléphone ou d'une tablette, ça n'a rien à voir. Parce il faudrait beaucoup plus souvent se détacher les yeux de ces écrans qui nous font du mal. Parce que quand tu lis ton livre à partir de ton téléphone, peut-être pire qu'à partir tablette, d'une liseuse, parce qu'à partir de ton téléphone, tu peux recevoir des notifications, et comme on est souvent très souvent dérangé, tu peux partir dans plusieurs directions. Tu peux recevoir un appel, et encore, tu ne reçois presque plus d'appels, tu reçois des messages, tu reçois des notifications, tu ne réponds presque plus à ton téléphone ne te sert plus comme auparavant. Et donc tu reçois des messages, tu reçois des messages audio, des messages vidéo que tu vas peut-être consulter parce que tu n'as pas forcément envie de montrer que tu as consulté ces messages. D'être joint directement, je ne sais même plus si ça vous arrive, si vous arrivez à joindre les personnes directement, ça arrive parfois, peut-être en montrant, comme on dit, patte blanche, en envoyant d'abord un message. Merci pour les cœurs tradis, merci pour les super, merci de votre présence ce matin. Donc c'est une étude de Kaspersky. Merci bien. 75% donc de ceux qui ont répondu à l'étude se réfugient derrière leur téléphone pour ne pas avoir l'occasion de parler à leurs proches, à toutes ces personnes autour d'elles. T'es moins dans la détente. Oui. Il est toujours mieux de lire un livre, un vrai livre, mais c'est pas mal. Les liseuses sont pas mal. Les tablettes aussi. Peut-être beaucoup plus une tablette qu'un téléphone. Oui, moi je pense beaucoup plus, Momo, une tablette. Après, si tu n'as pas de tablette, ton téléphone, t'es beaucoup plus dérangé à partir de ton téléphone. Là, en anglais, vous avez une étude, on parle de device. Device, devices, ça veut dire tout ce qui concerne les appareils. Ça peut être téléphone comme tablette. Mais on est sur une traduction des articles qui sont tombés aussi en français. On parle beaucoup plus, et c'est logique, d'un téléphone. D'accord. Donc ce matin, ce 1er octobre 2018, vous allez faire quoi avec votre téléphone? Vous sortez avec vos oreillettes? Vous allez écouter de la musique? Est-ce que vous écoutez beaucoup plus de la musique? Vous faites quoi sinon? Vous écoutez vos messages? Là, en ce moment, à 7h40 du matin, avez-vous consulté tous vos messages? Que vous reste-t-il à consulter ce matin? Vous vous mettez des messages de côté à consulter dans les transports en commun? Dites-moi en plus sur votre consommation quotidienne de son dans vos oreilles, du podcast dans vos oreilles, ça vous intéresse? Réservoir Apps, ça risque, ça peut et ça va, à chaque instant, à chaque moment, disponible pour vos oreilles. Toi, 99%, d'accord, la musique. Ce qui m'a intéressé tout à l'heure dans les chiffres, c'est qu'on a 90% de ceux qui ont répondu à l'étude qui admettent, qu'elles pourront être affectées par un stress si leur appareil est perdu ou volé. Il va y rester toute la journée. Après, ton téléphone, Sandrine, va te servir si jamais tu reçois un appel important. S'il reste dans ton sac, tu entends la sonnerie peut-être. Tu lis 20 minutes sur le tel. D'accord. Oui, la lecture est importante. On en voit souvent dans les transports en commun y a des personnes qui sont là à lire des articles. J'ai peu vu de personnes lisant un livre sur son téléphone, plutôt sur des liseuses ou des tablettes. Mais sur un téléphone, il y en a pas mal qui lisent des articles. Ouais. J'ai déjà vu ça. Il y a un moment, mais j'ai déjà vu ça. Ouais. Des articles. 90% donc des ceux qui ont répondu à l'étude. Toi, pour toi, 80% YouTube. Ah oui, mais YouTube, de la musique, des clips, des tutos maquillage, des chaînes YouTube qui te renseignent, qui t'apprennent quelque chose. T'as pas droit à ton mobile au travail? D'accord. En tout cas, tu as ton téléphone avec toi, puisque quand tu reprends ton téléphone, Sandrine, dans les transports, et même avant de rentrer chez toi, tu peux donc t'en servir. Ça commence comme ça, hein. Si vous ne pouvez pas vous servir de votre téléphone au travail, ou vous allez ce que vous soyez étudiant, ou vous ayez un travail, votre téléphone va vous servir avant de rentrer chez vous. Donc vous avez au niveau stress, 90% donc des personnes qui admettent éprouver du stress si leur téléphone est perdu ou volé, mais un stress beaucoup plus grand que s'ils rater un train ou un avion, s'ils étaient impliqués dans un accident de voiture mineure, ou s'ils étaient aussi malades. C'est ça, beaucoup plus de stress à perdre son téléphone qu'autre chose. Joignable en cas d'urgence. C'est ça en fait. On est dans une société où on a besoin d'être joint rapidement. On a toujours un téléphone à portée de main qui peut vous joindre en cas d'urgence. Si jamais il vous arrive un pépin, un problème. Qui sont les autres? Un problème. Il n'y a pas de problème. Les autres, bah les autres. Évitez de parler à vos proches, à toutes ces personnes qui peuvent se retrouver face à vous. Pas forcément vos proches. L'étude ne va pas assez loin. Est-ce que j'ai. Faudrait nous dire pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi on a un téléphone? Pourquoi on est accro à son téléphone? Pourquoi on est donc des êtres humains qui ont envie de communiquer, de rester au contact? C'est parti très loin, cette histoire. C'est un besoin vital à l'origine, toujours un besoin vital d'être en connexion les uns avec les autres. Et depuis des années, des dizaines d'années, ça a commencé déjà avec le téléphone, qu'on appelle maintenant un téléphone fixe. Donc je vous relance avec la notification, vous pouvez vous abonner. C'est vital. Pour un être humain, ne pas communiquer, c'est gravissime. Par rapport aux infos personnelles. Ou l'iPhone qui nous a coûté un bras. Non, ce n'est pas en rapport avec un téléphone qui coûte cher. C'est en rapport avec un téléphone que nous avons avec nous. C'est vital. La communication, pour un être humain, c'est vital. Tu enlèves le moyen de communiquer à un être humain, il retourne à l'état sauvage. Il ne trouve plus ses mots, il ne communique plus, si tu ne parles plus, si tu parles très peu déjà. C'est pas vital? Si, c'est vital. Si, c'est vital. Bon, d'abord, les premiers besoins vitaux, donc manger et boire. Mais après, vous avez aussi d'autres besoins vitaux. Salut Fred. C'est-à-dire, la communication est importante. Si vous perdez votre langage, votre élocution, votre enthousiasme, tout ça, donc ça concerne une communication. On passe sa vie à parler, à avoir envie de parler, à parler avec les autres, ça me semble de plus en plus difficile. Audio only. Si tu pars en expédition tous les jours, ben vous avez des expériences qui ont été menées. Ça n'empêche rien au corps et aux organes vitaux de fonctionner. Oui, mais ne plus parler à des humains, ça, je m'emballe un peu. Ah, pas du tout, non, non, pas du tout. Tu pourras mettre une photo, s'il te plaît. Bonjour Sofiane. Je m'emballe pas, non. C'est un sujet que j'évoque régulièrement. C'est un besoin vital aussi. Perdre toutes nos données. Oui. Il y a aussi le côté où non. Et si vous n'avez pas de connexion, c'est difficile. Merci pour les abos, Sofiane. Pour 22% de ces personnes qui ont répondu, je vous le répète avec ces chiffres, à l'étude d'être connecté. Dans la vie est essentiel. Je dis pas que j'ai raison, c'est quelque chose qui est déjà couramment dit, et c'est important puisque vous avez des personnes qui ont été examinées, des personnes qui ne communiquaient plus, qui étaient comment dire, qui étaient réfugiées, je ne sais pas où, qui étaient restées seules très longtemps et qui physiquement, physiologiquement avaient subi beaucoup. Le côté audio, c'est quand tu as donc sur un iPhone. Et ce n'est plus en bêta sur l'iPhone. Maintenant, c'est une version, une nouvelle fonction. Il faut utiliser chaque mot avec mesure, absolument. Je reprends les chiffres que j'ai sous les yeux. 75% d'entre nous, pour 75% de ceux qui ont répondu à l'étude, ils ont donc peut-être mal répondu, peut-être, mais on a une étude, on a des chiffres. Samsung, il n'y a pas. Non, non, c'est sur l'original, Roberto, l'original. Osez l'original, l'iPhone. Combien? Ouais. J'ai pas ça sous les yeux. Combien? Alors, est-ce qu'on a ça quelque part? Ah oui, alors. J'ai ça sous les yeux, je vais vous le dire. Qu'est-ce que j'ai? Nous avons des personnes âgées entre 18 et 60 ans. Fred, pour la mise à jour pour Perry, c'est pour iOS, c'est pour l'iPhone, oui. C'est la mise à jour, une des mises à jour les plus récentes. Vous avez une étude qui a été faite par Kaspersky Lab. Ils ont donc posé des questions à des possesseurs de téléphones, 11 250 utilisateurs, âgés entre 18 et 60 ans, dans 15 pays. À propos donc de cette importance de rester en ligne, de ces problèmes de face. Bonjour à vous. Et des conséquences toutes ces conséquences quand il n'était pas possible pour eux de se connecter. Donc, des personnes âgées entre 18 et 60 ans, 11 250 possesseurs de téléphones mobiles, enfin d'appareils mobiles, dans 15 pays différents. Parmi ces 15 pays, on a déjà une carte, on a donc les États-Unis, 750 personnes aux États-Unis, 750 personnes à Mexico, je crois que c'est les chiffres de personnes, mais c'est ça, 750 en Colombie, au Brésil, toujours 750 partout, bonjour. Donc on a la Belgique, le Portugal, la Hollande, l'Italie, tiens, on n'a pas la France, la Russie, l'Inde, Singapour, le Japon, l'Australie, voilà, l'Italie, le Brésil, la Colombie, le Mexique, les États-Unis. T'as encore menti, on se calme. Toi qui aimes bien la langue française, tu l'écorches. Tu nous fais du mal à nos oreilles, plutôt à nos yeux, si on te lit. Tu pourras mettre une photo. C'est pas exclu. Donc, vous avez une personne sur 10 qui ont leur téléphone sur eux tout le temps. Concrètement, où je veux en venir? Bah, on va en venir où? C'est pas moi qui vais en venir, c'est l'étude qui nous parle. Je veux en venir où? Ben, c'est l'étude qui en vient à ça, à cette société d'autistes, de personnes qui n'arrivent même plus à se dire bonjour. Abonne-toi. Merci Sandrine, à bientôt. Abonne-toi, ami public, il est important. Voilà où je veux en venir. Tu t'abonnes, tu te fais du bien, tu te fais plaisir. Tu me retrouves sur différents lives. Et d'ailleurs, vous allez me retrouver tout à l'heure vers 17h, 17h30 pour un Periscope Twitter Live de toute beauté. 75%. Où je veux en venir, pour ceux qui n'aiment pas les études. On n'a pas besoin de cette étude pour comprendre ce qui se passe dans nos rues. Hein. On n'a pas besoin de cette étude forcément pour comprendre ce qui se passe dans ces grandes villes, même ce qui se passe en France. Je suis étonné, la France n'est pas impactée, mais on n'a pas besoin de ça pour savoir ce qui se passe autour de nous. Hein. Vous n'avez pas vu? Vous aviez des personnes qui n'osaient même plus vous regarder, ne savaient même pas, ne savent même pas que vous existez. Ça peut véritablement servir à ces femmes, ces jeunes femmes, qui n'ont pas envie de se faire importuner, je le comprends tout à fait. Mais de là à tous utiliser un téléphone, non pas seulement pour passer un bon moment, mais pour éviter de répondre à ces regards insistants. On n'a pas besoin d'études, on n'a besoin de rien, on a notre téléphone, on est unique, on est tous différents, on n'a plus besoin de rien, on est tout seul, on n'a même plus envie de parler à toutes ces personnes. Un jour, on ne sortira même plus dehors, on n'aura même plus besoin de marcher, on pourra faire du télétravail. Un jour, on n'aura même plus besoin de marcher, on sera dans une poussette, dans un fauteuil roulant, on sera tranquille. On n'aura même plus besoin de faire d'efforts. C'est trop difficile, c'est trop dur. Ah, j'ai mal. Vous qui passez, vous pouvez inviter vos abos, vous abonner, me partager sur celles et ceux qui passent. C'est trop difficile. On va faire du contact, on n'a pas envie. On ne sait même plus répondre au téléphone, on ne sait même plus passer des appels. C'est angoissant. L'autre jour, j'ai passé un coup de téléphone, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais me prendre un râteau, je ne sais pas ce qui se passe, le téléphone sonne, le téléphone sonne, le téléphone sonne. Et si jamais ça répondait pas, mais je vais me taper la honte, moi, il n'y a personne qui répond. Alors depuis, j'ai même plus envie de passer de temps, j'ai plus de temps, c'est mon assistant qui prend les appels. Et depuis tout ce temps maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Mon assistant qui reçoit les appels, qui passe les appels, et qui me passe les appels les plus importants. Toutes ces personnes que je connais, parce que si je ne les connais pas, je ne vais pas passer mon temps à les connaître, je ne peux pas leur dire bonjour, je ne les connais pas. Bonjour vous tous, soyez cordiaux, ici la base de la base, plus communément appelée la base. On se retrouve chaque jour pour nouvelles aventures extra, c'est toujours un live de toute beauté, ça risque, ça peut et ça va vous intéresser, vous et vos abonnés, je relance. Vous pouvez donc inviter vos abos, vous abonner, et on peut également vous bloquer, vous sortir du jeu. Hop là! La base est située dans votre téléphone, un petit peu au fond, à droite ou à gauche, là où vous accordez une place importante à votre assistant personnel, peut-être à votre base aussi. Ouais. Bonjour vous tous, ça se passe bien? C'est quelque chose. On n'a pas besoin de l'étude, on n'a besoin de personne. Nous, on est des bonhommes. On a notre assistant, on a notre téléphone, bonjour. On est donc des quoi? Des Avengers? Bonne journée, ouais. T'oublieras pas de mettre une photo? Toi qui mens tous les jours. Qu'est-ce qui nous ment? Est-ce que véritablement, ces personnes que vous voyez du coin de l'œil vous mentent? Vous vivez avec des autistes, des personnes qui n'ont pas envie de vous voir. C'est terrible, c'est terrible. Je ne souhaitais pas forcément vous accueillir avec une news de cette ampleur, mais c'est terrible. À votre santé. Ah, il est incroyable. Il est incroyable ce live. Vous qui passez, vous avez encore 5, 6, 7 minutes pour vous me dire, pour me dire ce que vous ressentez actuellement. La solution? Faut-il véritablement avoir une solution? Est-ce que c'est important de voir le bout du tunnel? Est-ce que vous pensez que je suis là pour vous donner les clés? Tu m'as pris pour qui, toi? Est-ce que je te dis souvent que je fais 1m40, 40 kilos, les bras levés, tout mouillé. Et tu m'as pris pour passe-partout, toi. Les clés, tu crois que ça fait du bruit quand je marche? Ça résonne? Les clés. Les clés du succès? Les clés pour t'en sortir? On est tous enfermés dehors. Comment tu veux sortir de quoi que ce soit? Ton téléphone, bientôt, il est déjà greffé dans ta main, ton téléphone. Tu veux te sortir de quoi? Te déconnecter? Mais t'es rendu fou, quoi. Te déconnecter, tu vas louper quelque chose. Ça va, Roro? Tu vas pas te déconnecter. Il y a des personnes qui vont, avant toi, connaître les news. Tout ce qui peut tomber, tout ce qui peut s'écrouler, tous ces nouveau-nés, toutes ces morts. T'as envie de savoir ce qui se passe, quoi. Qui nous a quittés? Qui est arrivé dans notre cercle? Qui se retrouve parmi nous? C'est quand même dingue. C'est beaucoup plus ceux qui nous quittent, hein, que ceux qui nous rejoignent. On s'en fout de ceux qui naissent, on s'en fout un petit peu moins de ceux qui meurent. C'est toujours comme ça, très triste. Pour nous contacter, j'utilise pas un téléphone. Bah évidemment, tu crois quoi toi? Je suis sur Periscope, sur mon iPhone. Évidemment, mais je m'intéresse à ce monde qui passe, quoi. Ça passe tellement vite. Ça a à peine commencé que c'est déjà fini. On peut pas se déconnecter? Ouais, tu vois. Les clés du camion, ouais. T'es parti avec les clés du camion. On avait encore des choses à rajouter dans le camion pour déménager. Tu déménages tout le temps? Bah ouais. Mais tu changes de téléphone tous les 2 ans pour peut-être reprendre un modèle un peu plus puissant, pour faire beaucoup plus de photos, pour avoir beaucoup plus de stockage, pour pouvoir évidemment gérer beaucoup plus de contacts, des personnes que tu n'as jamais vues, que tu ne verras jamais, des personnes qui peut-être ne sont pas des personnes, des intelligences artificielles, des assistants virtuels qui ont de plus en plus une voix humaine, ton Google Assistant, il a une voix humaine, il peut être une femme comme un homme, tu pourras régulièrement parler à des personnes que tu ne verras jamais, et souvent donc des qui ne sont pas des personnes. Un enfant de 10 ans à l'école ne devrait pas avoir de téléphone. Les téléphones maintenant dans les classes ne sont pas autorisés, ne sont pas interdits, mais vous ne devez pas les sortir. Oui, les interactions sociales. Logiquement, quand tu envoies ton gamin à l'école, c'est parce qu'en fait, t'as plus envie de trop d'être dérangé, t'étais content, t'en as fait un, tu pourras te le retrouver ton gamin quand tu seras vieux pour qu'il puisse s'occuper de toi, bien qu'il te mettra en maison de correction, si tu veux. Enfin, ton gamin, tu le mets à l'école parce que t'as plus trop le temps de t'en occuper. Ton gamin, il va à l'école pour se sociabiliser. S'il va à l'école avec son téléphone pour faire des péris, à un moment donné, parce qu'il s'ennuie, avec son téléphone qu'il positionne dans sa trousse, avec un professeur qui l'ennuie, comme ses parents qui l'ennuient, il fait sa crise d'ado. C'est terrible, quoi. Ça commence dès le plus jeune âge. Ton téléphone te sert à quoi? À te désociabiliser. Je suis tout petit, je suis tout jeune. T'as commencé quand à être ministre? Bah, j'avais 10 ans. Ça a commencé, ça m'est tombé dessus comme ça. Moi, j'ai pas choisi. J'ai pas choisi. On m'a demandé, moi, j'ai dit ok. Mon téléphone m'a permis de me désociabiliser. On m'a dit que j'étais autiste. On m'a dit, bah voilà, viens nous voir, on va te dire ce qui se passe. Bah oui, mais moi, madame, j'ai un téléphone, je reçois, je passe des appels, mais c'est pas moi, c'est mon téléphone. Et puis, quand je prends l'appel, non, je peux même plus. Ouais, c'est du, bah voilà, nouvelle génération qui a son téléphone greffé dans la main et on parle de plus en plus d'objets connectés. Ça casse toute interaction dans la société. Oui, les téléphones ne sont pas interdits à l'école. King, je gagne ma vie en racontant des conneries. Oui. Et c'est dommage pour toi, hein. Bah ouais. Mais je ne raconte pas des bêtises, justement. C'est la vérité. Pour toi, ça semble des bêtises, mais c'est une vérité. Tu vis dedans. Tu dors dedans. Tu t'endors à Google. Tu travailles à Google. Tu vois ce que je veux dire? Google, Google, Google, du matin jusqu'au soir. Et ça te rend un petit peu furax dès le matin. J'en ai un qui vient de manger du tigre, là, je ne sais pas. Ou tu as mangé un troll. Avant le collège, c'est interdit? Ouais. Il y a des choses plus importantes que ça? Que ton téléphone? Je vois pas quoi. Je vois pas quoi. Plus importante que ton téléphone? Tu crois que tu fais quoi en ce moment? La vraie utilisation du téléphone? C'est un peu comme un vrai travail, ça. Il n'y a pas de vraie utilisation maintenant. La nouvelle génération, beaucoup plus, utilise son téléphone pour récupérer des messages. Tu ne téléphones pas à la personne. Tu lui envoies un message. Et c'est beaucoup plus pratique. T'as beaucoup plus le côté geek. Tu reçois, tu passes, tu envoies. Tu reçois beaucoup plus d'appels et tu en peux en passer beaucoup plus. En mode. Enfin, dans un mode différent. Ça paraît un peu bizarre, tu te dis, bah ouais, les jeunes veulent plus se contacter. C'est faux. Les jeunes peuvent contacter en simultané beaucoup plus de personnes. Bon, vous savez quoi, je vous laisse. Dites-moi ce que vous avez à me dire tout à l'heure vers 17h30. Je me suis un petit peu enrubé. En tout cas, c'est catastrophique. C'est la fin d'un temps. Un monde charnière dans lequel nous vivons. Merci vous tous, merci de nous récupérer tout à l'heure vers 17h30 et des poussières. Réservoir Apps, ça risque, ça peut et ça va. À tout instant, ça peut s'écrouler, mais justement, ça ne s'écroule jamais. Vous aurez toujours des news et des news. Vous allez toujours être avec une voix au bout du téléphone et peut-être qu'elle ne sera pas humaine. D'où viendra-t-elle? Du fin fond de votre téléphone. Sur ce, je vous quitte. Merci vous tous, vous pouvez vous inviter, vos abonnés, vous abonner. Merci vous tous, c'était sympathique. Bah, bisous. Ciao, ciao. Tout à l'heure. Merci. Merci. Bon courage pour le début de la journée qui commence. Ne vous enrubez pas. Faites attention. Hein. Gardez vos téléphones à distance. Vos téléphones prennent des virus. Hein. Vous vous rendez compte? Avec le sans contact. Sans contact, pas toucher, pas toucher, pas taper. À bientôt. Merci vous tous. Ciao, ciao.